Auditeurs, auditrices de Radio Chevauchard, Lisiane vous dit bonjour, quoi de neuf ? La pluie, les jeux de société sont de sortie. Notre-Dame de Fatima avait prédit les guerres mondiales. Va-t-il avoir la troisième ? Chevauchoir. Il est 9h. Cette heure vous est offerte par Guy Dutronc, votre artisan bijoutier joaillier à Mété. Bonne écoute. Et oui, votre émission Quoi de neuf se confirme, une des lunes Jupiter est la plus grande système solaire enfermé un océan souterrain. Les anniversaires people. Aujourd'hui nous avons Jodassin, demain Cochanta Wes, mardi Lord, mercredi Alain Delon, jeudi Jennifer, vendredi Petit Biscuit, samedi Aladdin et dimanche prochain Morane. Place à Jodassin. Tous les matins avec vous, 105.5 FM. Adieu, La journée aujourd'hui des parents au bureau et la prévention dans l'environnement. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants du 5, 11, 23, 18, 13, 32, 33, 39 et 43. Joker Plus, eh bien nous avons le 612, 961, signe cancer. Nous fêtons aujourd'hui les Sylvie. continue cette émission Quoi de neuf jusqu'à 9h30 et dans 9h30 jusqu'à 11h30 vous aurez votre émission L'Apéritif Musette. Pour les personnes qui partent à Tourcoing, n'oubliez pas votre rendez-vous, c'est ce jour. La pierre pour novembre, la personne qui sont nées au mois de novembre, eh bien votre pierre c'est la citrine, pierre jaune et brune qui amène la joyeux, l'équilibre mental, la clarté de l'esprit. Pour les personnes qui sont nées au mois de novembre, votre feuille fleur, pardon, avec sa taille modeste et ses pétales délicates, la violette ressemble à une femme timide qui n'apprécie pas d'être sous le feu des projecteurs. Cependant, pour séduire, elle n'hésite pas de jouer sur un de ses plus grands atouts, le parfum doux. La violette rappelle la modestie, la timidité et la pudeur. Quand on offre un bouquet de violettes à quelqu'un, ça signifie « je t'aime en secret ». Il te ressemble à... Radio Chevaucheur 105.5, n'oubliez pas votre petite carte à dédicace à Radio Chevaucheur que vous pouvez acquérir pour vos dédicaces un petit bonjour. C'est par GSM. Et nous vous avez également votre carte de soutien pour 2024. Si vous voulez les acquérir, vous pouvez faire votre paiement via notre numéro de compte ou simplement nous le demander à notre numéro de téléphone ou lors de votre visite. Samedi prochain, nous serons bien sûr au thé dansant de Michel Privot. Le 24 novembre, on vous propose randonnée à la salle à la nef à Namur. Et le samedi 25, ce sera Cathy Minet, bien sûr, à Astières. Si vous voulez réserver, eh bien, il faut téléphoner directement à Cathy. Mais il me reste presque plus de place, il me semble. Avoir eu la dernière conversation avec elle, ça diminue à grands pas. Pour ce qui est des questions des émissions plutôt de Radio Chevaucheur, eh bien, ce samedi, les samedis, vous retrouvez à 14h30 toutes les rediffusions de plusieurs émissions qui se sont écoulées tout au long de la semaine ou du mois. Attention, auditeurs, auditrices de Radio Chevaucheur, un petit changement, votre animateur Julien, eh bien, cette semaine, vous le retrouverez mardi après-midi à 13h30. Alors, je vous donne rendez-vous mardi à 13h30 avec Julien jusqu'à 16h, et puis à 16h30, vous aurez Romain. Dans l'émission des invités, Jean-François recevra Patricia Dalle, qui viendra présenter, bien sûr, cette étoile de semaine. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Viens danser dans ma guinguette, crois-moi, c'est le meilleur endroit. Votre guinguette vous accueille ce 3 décembre, dès 14h, dans l'émission Les Invités. Nous serons en compagnie de Cathy Minet. N'hésitez pas à nous rejoindre 7 rue Chevauchoir ce 3 décembre dès 14h. Vous aimez l'apéritif et la musette? Rendez-vous tous les dimanches matins sur Radio Chevauchoir. Ah, ça nous donne un petit peu la forme hein, pour se lever ce matin en ce dimanche. Il est 9h28, c'est Lisiane avec vous jusqu'à 11h30. L'apéritif musette sur Radio Chevauchard et via le www.radiochevauchard.be. Vous pouvez bien sûr soutenir Internet à 20€ par an. L'émission est parrainée, si vous le souhaitez également, c'est 3€ pour le mois. Karine et David Courrière, Julien-Marie-Thérèse, Annie et Freddy, Claudine et Maurice, Josette Francine, Robert et Yves, Mireille et Loulou, André et Brigitte, Alain de Malone, Michel et Jacqueline, Nicole et Jacques, Gisèle de Geff, Fabi Georges, Nicole de Staff, Luce de Metin, Mireille de Bambois, Monique de Buzet et Christiane de Jeanblou. Merci de soutenir cette émission que vous écoutez tous les dimanches. Les deux standards sont ouverts, vous pouvez m'appeler.